Kalachnikov. Néo-chrome, je m'en finir mon tête comme le tueur de l'Est parisien. Je vis dans l'air Sarkozy, loin du reste stalinien. Jusqu'ici personne ne m'a mis un. Quand je rappe c'est du sport, je me dope comme Richard Virin. Y'a pas d'issue, je suis dans un labyrinthe. Comment traverser la banlieue, c'est sur toi t'as pas pris le flingue. Je me laisse aller, je suis passé à mes habits chlingues. Le rap galérien, c'est pas du Jacques Higelin. Faut pas que je m'affiche hein. Je suis pas leur pute, je suis pas leur petit chien. Comme les sapières, j'escroque les bifs hein. Vesky Panama, mais c'est haineux qui casse du sucre. Je m'en fais sans pour le pollen et le bon rap du sud. J'arrive par la AZ avec la moto d'Akira. Sorti vitrole direct soldier Karakilam. Prépare la dynam, ramène-moi le sosé de Christina Milian. Qu'on fasse une famille. J'envoie les gazins, fous la merde comme à Gaza. Vas-y casse-toi espèce de petite catin. On veut notre butin, baiser les petites putains. Être en haut de l'affiche et pas être vu comme des lutins. On fait que tous lutter mais c'est pas pour la même cause. Certains te parlent de gun, ils mériteraient des outros. Coûte crasse et ça parle de confiance. À cause d'une pute, ton amitié n'avait plus de sens. Zama sincère, Zama sensé. Par devant tu me fais la bise et par derrière tu veux nous blesser. Tu veux nous baiser mais sache qu'on n'a pas le fut baiser. La famille des ventres vides à la rage pour encaisser. Je suis un chien moi, j'arrive dans le rap comme un chien mort. Tu veux ta part, j'ai rock et nique tes morts. Je te montre ma mode au corps à corps comme mon pote Nord. C'est le Delbord, je lève mon dos en l'air et baise les portes. Compte pas rester sur le banc de la thèse, à vous vendre la cesse. La vie on la perd aussi vite qu'une balle dans la tête. Et du cap, mais pas entre les mains du star. Tu dirais tu recharges en voulant pas brasser du sable. Compte pas rester sur le banc de la thèse, à vous vendre la cesse. La vie on la perd aussi vite qu'une balle dans la tête. Et du cap, mais pas entre les mains du star. Tu dirais tu recharges en voulant pas brasser du sable. Pété au label, j'en viens fêter la haine. On vit la rue en direct comme fêter la hyène. Bande de fils de pute que vous êtes. À force de vous écouter, de me boycotter, je vais commettre une boulette. Et t'attends pas à me voir fouiller les poubelles. Tes poutards, je les ai défoncés comme tes bouteilles. Yeah. On pourrait être ce que les pourris aiment. Dans la merde, on souriait, mais on faisait rien pour hier. Yeah. On a mis le feu dans la poudrière. Si on a oublié demain, c'est parce qu'on se bat pour hier. Y'a plus d'argent dans le placo que les plaquettes. Plus dans le braco que les raquettes. Plus dans le ballon que la raquette. Mais y'a plus de balance et de baltringue. On a plus dans la fuite délire que la tête. C'est une balance ou une puce, j'ai préféré la tête. J'arrive comme un vendredi 13. C'est le 77ème sous-sol pour la famille du ventre vide fier. J'aime la solidarité entre petits frères. L'encre se disperse, récite le chant de la tristesse. Ma théorie, une pute météorite. Je compte fréquenter les endroits chics jusqu'à pétéorite. Alors je suis né terroriste. Je fais du rap de galérien, je m'en bats les couilles de plaire aux riches. Je vais pas te faire un cours d'histoire. Je te laisse dans ta bulle, dans ton monde, dans ta tour d'ivoire. Parce qu'il faut vivre le truc pour y croire. Une goutte d'espoir suffira pas pour un tour de victoire. Néochrome Industrie, Farachnikov, petit frère, pareil pas tes 17 sur une péripatéticienne. Parce que la vie, tu peux pas la maquiller, tu peux pas lui refaire le visage. On devient dingue devant un string.